tortue est malade du rhume. Pourtant je sens toujours l'enclume. Attaché à mon pied qui sent, pas faute d'avoir brûlé de l'encens. Ma tortue est malade pourtant. Les mondes au moins 160 ans. Ne la soigneront donc jamais, même avec de bons cassoulets.